parce qu'on subit l'influence des magasins. C'est parce que vous subissez l'influence des magasins, effectivement. C'est tout édifié. Tu vas des magasins. Ça fait que là, tu vas avec l'après, le bois, la boue. C'est ça. Tu vas des magasins, puis tu demandes une pièce. Ils vont dire, oh, c'est plus à la mode, ça. Ma femme avait une petite montre, tu sais, une montre Saint-Pendant, là, une montre, là. Une vieillette, là, vieillot, là, pas, tu sais, bien faite, là. Elle n'est pas capable d'en trouver. Ils disent, c'est pas à mode. Qui c'est qui fait à mode? Le monde. Fait que toi, tu perds. Avant de trouver une. Puis après ça, là, quand elle a trouvé quelque chose qui n'est pas supposé d'être la mode, les gens qui la rencontrent, ils disent, vous êtes bien chic, Mme Boucher. Vous êtes bien belle à soir. Parce qu'elle est dans sa vibration, c'est pour ça qu'elle est belle. Si elle était dans la vibration de la mode, elle aurait une folle. C'est ça, la mode, c'est cette vibration. C'est ce qui lui fait. Tu peux pas vivre. Oh. En tout cas, je sais ce que je veux dire. La mode. Moi, je vais chez Aquascutum, je veux un saut de 4 avec un double breast, là, tu sais. Ici, un bouton ici. C'est pas à mode. C'est pas à mode. Maman va m'en faire un. S'ils n'ont pas, maman va m'en faire un. Parce que je sais que c'est ma vibration, maman va m'en faire un. Ou bien pas porter un saut de karaté rouge. Ça fait pas ma vibration. Peut-être la vibration des autres, mais pas moi. C'est toujours de même. On se laisse influencer à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Il y a une fille chez Browns qui arrive, parce que ma femme a regardé une paire de souliers. Elle arrive avec un sac, une sacoche qui matchait le soulier. Tu sais, les Juifs, ça pousse. J'ai pris la sacoche. J'ai expliqué les fautes dans la sacoche. Elle l'a remis sur le comptoir, la sacoche Charlie. J'en ai parlé pour 15 minutes de la sacoche. 15 minutes, j'ai parlé de la sacoche. Elle nous a pu écœurer. Elle n'a pas besoin de parler. Ouais. On se laisse influencer. Puis par nous-mêmes, c'est difficile, par nous-mêmes. Que ce soit au niveau de la mode, ou que ce soit au niveau de l'intérieur, ou que ce soit au niveau de la connaissance interne, que ce soit au niveau de l'ego, c'est difficile pour l'ego d'être sûr. Il y a des gens qui sont chanceux, ils ont été élevés dans des familles qui avaient du goût, puis les enfants grandissent avec la même vibration, ça c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Faut que tu l'aies la sensibilité, faut que tu regardes, t'observes, ainsi de suite. Les conditions de vie ne permettent pas tout le temps. Il y a des femmes qui l'ont, la vibration. Ils payent pas cher pour le soulier, puis ils payent pas cher pour leur manteau, mais ça fait. Ça fait. Tu jurerais qu'ils l'ont acheté puis qu'ils ont payé. Ils n'ont pas bien jamais. Ils sont cute, ils sont propres, ils sont élégants. Puis il y a des femmes qui payent très cher pour leur linge, on rêve des vraies folles. Des vraies folles. Allez dans les balles, les soirées de balles, puis regardez ça, les gros friches à Westmount, là. Ils sont habillés comme des éléphants. Des vapes poudrettes ambulantes. C'est pas regardable. Ça pue. Ah! C'est si beau une femme. Hein? Pas comme un homme, une femme. Une femme, un homme, ça n'a pas besoin d'être beau. Un homme, ça peut avoir une belle personnalité, ainsi de suite. Une femme, c'est bien ajusté, c'est beau, une femme. Qu'elle soit jeune ou vieille, il y a des femmes qui sont vieilles, puis qui ont l'air radiante. Bon. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Puis ça, j'ai accusé les hommes dernièrement. J'ai dit, les hommes aiment toujours ça que leurs femmes soient belles. Mais eux autres sont tellement égocentriques qu'ils sont pas capables de se mettre dans la tête que leur femme aime ça, qu'eux autres aussi soient beaux. Ouais. Mais les hommes ne réalisent pas ça. Ah, oh, faut que leur femme soit belle, mais eux autres, là, ils ne réalisent pas. On le voit tout quand un homme est bien riche. Ouais. Mais ça, c'est à cause de l'égocentricité de l'homme, ça, c'est. La femme, faut qu'elle soit belle. Mais lui, là.